Chapitre 9e. Nadia se trompait, le marquis revint. Son dîner en petit comité chez la vicomtesse de Saint-Rieul avait raffermi son moral, ébranlé par une secousse passagère. Les autres invités s'étaient retirés de bonne heure et, comme le vicomte, grand sportman, avait passé le détroit pour aller voir des courses, Roque-Servière, resté seul, n'avait pas eu lieu d'être mécontent. On lui avait prouvé d'une façon péremptoire qu'il était toujours jeune, et qu'à moins d'être singulièrement intrépide, une femme avait toutes les raisons imaginables d'avoir peur de lui. Cependant, la vicomtesse avait un hôtel rue Galilée, un château en Poitou, et quand on ne la voyait pas à l'opéra le vendredi soir, 1800 personnes disaient dans la salle « Tiens, qu'est-ce qui est donc arrivé à Madame de Saint-Rial ?» Mais Roque-Servière, bien d'autres s'entaillaient sur le même patron, aurait donné 12 duchesses prêtes à dire oui pour la petite femme sans château, sans hôtel et sans loge à l'opéra qui disait non. Ce non était un mauvais présage malgré tout, et aussi, la chose étant ébruitée, un mauvais exemple. Il fallait de toute nécessité que le nom de Nadia devint un oui. Donc le marquis reparut chez Madame Fresnel, et pas plus tard que le lendemain de son échec. Mais la nuit porte conseil, il avait fait ses réflexions. C'était un autre Roque-Servière, vaincu, amoureux, et cela va sans dire, amoureux pour la première fois de sa vie. Madame Fresnel ne s'attendait pas à celle-là et n'avait pas même songé, tant elle croyait la chose inutile, à défendre sa porte à ce nouveau converti. Tout d'abord, la surprise lui coupa la parole. « Hélas, gémit le bon apôtre, le plus étonné de nous deux, c'est encore moi. Amoureux à mon âge, après la sotte existence que j'ai menée, depuis un mois, je rougis comme d'une honte des sentiments inconnus que je sens éclore dans mon cœur, glacés jusqu'ici. J'ai voulu vous cacher ma faiblesse. Avec vous, j'ai feint le cynisme, de même que je jouais la passion avec les autres. Ah, que vous les vengez glorieusement !» Comme elle rirait de ma défaite, si elle pouvait me voir aujourd'hui. Malheureusement pour Nadia, ces dames étaient trop loin pour rire et ne pouvaient l'aider du secours de leur expérience. Parlez-moi des femmes honnêtes pour être crédules sur un pareil sujet. Certes, Madame Fresnel n'aurait pas gagé un gros prêt sur la sincérité de l'amour de Roque-Servière. Mais après tout, s'il faut en croire les romans, rien n'est plus commun pour un viveur dans la maturité que l'accident dont il se prétendait la victime. Le plus sûr était d'échapper par la tangente. « Soyons amis et partez, » proposa-t-elle. « Je tâcherai d'être votre ami, » dit-il avec un soupir à fendre l'âme, « ou du moins, je vous aimerais d'un amour si désintéressé que vous ne sauriez me le défendre, mais partir, ne me le demandez pas. Laissez-moi vous voir, entendre votre voix, qui dans le même instant me rend fou et me calme. Hier, je n'avais plus la tête à moi, mais ne craignez pas une rechute. Mon sort était de finir par un amour sincère, que le destin s'accomplisse. Ne craignez rien d'un homme que vous avez enchaîné et qui bénit ses chaînes. » Il n'était pas, toutefois, enchaîné de si court qu'il ne put faire de grands gestes. Se mettre à genoux, lever les bras au ciel, serrer son front dans ses mains, puis tout à coup baiser celle de Nadia comme il eût baisé un reliquaire. Assurément, ce prisonnier qu'elle venait de faire malgré elle embarrassait beaucoup la jeune femme, et cependant, depuis qu'il l'avait rassurée, il commençait à l'intéresser tout de bon. Elle le considérait curieusement, ainsi qu'elle l'eût examiné, avant de lui rendre l'essor, une hirondelle tombée dans sa chambre par la cheminée. « Quelle différence avec Paul » songea-t-elle quand l'oiseau fut parti. « Quel flux de paroles ! Quel ouragan ! Je comprends qu'une femme coquette et légère puisse en avoir la tête un peu tournée. » Elle-même, au fond, n'était pas sans éprouver quelques symptômes de vertige. À compter de 7 heures, les lettres du marquis se mirent à pleuvoir chez elle, ou plutôt à tomber avec la régularité de la goutte d'eau qui entame la pierre. Il en arrivait une le matin, une le soir. Elle avait lu la première pour voir si elle pouvait la lire. Elle lut les suivantes comme on lit la suite d'un feuilleton convenable et bien écrit. Le genre épistolaire était en effet le triomphe du marquis, dont l'esprit un peu lourd s'en accommodait mieux que de la parole. Ses lettres étaient des chefs-d'œuvre, pensées délicates ou profondes, périodes arrondies, calligraphie parfaite, rien n'y manquait, pas même une virgule. On pouvait les proposer, selon les cas, comme des modèles de sentiments, des modèles de style ou des modèles d'écriture. Chez Rancy, la chose va de soi, n'était pas admis à les savourer. Il aurait fallu, avant de les lui montrer, reprendre l'histoire d'un peu plus haut. Et de jour en jour, ce retour en arrière devenait plus difficile. Mais chaque jour aussi, les visites du marquis devenaient plus longues. Nadia les recevait avec un mélange de curiosité et de crainte, éprouvant, à certains coups de sonnette, qu'elle connaissait bien, un petit frisson qui n'était pas sans charme. D'ailleurs, elle ne se sentait pas coupable. Roxervière, fidèle à sa parole, souffrait en silence. Paul pouvait-il se plaindre que l'on fît souffrir son ennemi? Un matin, au lieu des 4 pages réglementaires, la lettre du marquis ne contenait que ces simples mots « Je n'en puis plus. Votre bonté affectueuse et patiente me déchire le cœur plus que ne le feraient les traitements les plus rudes. Cette misérable torture ne peut durer. Quand vous lirez ces lignes, je serai bien loin. Ou, que vous importe, adieu. » Pauvre marquis, pensa Madame Fresnel légèrement émue. Pourquoi n'est-il pas venu m'annoncer qu'il partait? Je leur ai dit une bonne parole. Soulagée dans sa conscience par ce départ, Nadia n'en était que plus disposée à la miséricorde. Toute la journée, elle fut triste pour le voyageur. Mais le lendemain et les jours suivants, elle fut triste pour elle-même. Les heures lui semblèrent longues. Elle sentait, un peu étourdie, ses oreilles bourdonner et ses tempes battre, comme il arrive quand on a passé d'un grand bruit à un silence subit. Au bout de la semaine, elle s'avoua qu'il valait mieux pour tout le monde que Roxervière fût loin. Elle pense à lui sans cesse, et quand cette imagination se mettait à travailler, ce n'était pas à demi. Le 15e jour, elle en arrivait à se dire « Mon Dieu, pourvu qu'il ne revienne pas !» Elle se rendait compte, à cette heure, de la fascination inévitable et fatale dont il lui avait parlé souvent. Elle la craignait plus depuis que le fascinateur était loin, comme on craint davantage une arme invisible cachée. Elle croyait sentir le magicien l'enveloppant de ses passes magnétiques, endormant sa volonté à distance. Au milieu de cette langueur, elle vit sa porte s'ouvrir, puis se refermer. Roxervière, échevelée, pâle, amaigrie, tomba plus qu'il ne s'agenouilla sur le tapis. Son excitation était effrayante et semblait approcher des limites de la folie. « Je ne peux pas, » sanglotait-il, « c'est plus fort que moi. J'étais à l'autre bout de la France. » Mais il m'a fallu revenir, vous revoir, vous entendre encore. Nadia, ma reine, mon bourreau, mon idole. Ne serais-je donc jamais pour vous qu'un étranger, à qui votre cœur ne saurait donner la moindre place? Allez-vous-en, de grâce, soupira-t-elle, sans même savoir qu'elle parlait. Ah, femme impitoyable, je fuirais au bout du monde si à ce prix je pouvais être aimée de vous. Fuyez donc alors, soupira-t-elle, éperdue, abasourdi, enivré. C'est moi qui vous demande grâce. Vous me brisez. Nadia, vous m'aimez? Oui, gémit-elle en fermant les yeux. Roxervière, triomphant, était déjà debout, mais ce n'était pas pour fuir. De ses mains raidies, elle le repoussa avec tant de force qu'il tomba presque. Il avait cette sûreté de coup d'œil qui est la première qualité d'un grand homme d'amour et d'un grand homme de guerre. Il comprit qu'en faisant un pas de plus dans la minute présente, il risquait le gain final de la bataille. D'un élan magnifique, il baisa le bas de la robe de Nadia, puis se relevant, radieux, transfiguré. « Voilà, s'écria-t-il, à 7 jours pour un jour. Vous venez de me donner plus de bonheur que je n'en ai reçu d'aucune femme. Je suis à vous pour la vie. » À ces mots, il disparut, afin d'aller se reposer, car il n'avait pas menti en disant qu'il arrivait de loin. Il venait des frontières d'Espagne, d'une traite, et il tombait de sommeil.